Mon invité de ce matin a une approche différente des changements, justement, chez l'humain, au niveau des pensées, des émotions, puis que, selon lui, selon ce qu'il enseigne, ce serait lié et nos valeurs, notre éducation aussi entrerait en ligne de compte. Donc, je reçois, pour nous éclairer aussi sur sa pratique, je reçois Patrice Trudeau du Centre Énergie Alpha de Québec. Bonjour, Patrice. Bonjour et bonne année à tout le monde en passant. Patrice, tout d'abord, j'aimerais ça, pour situer les auditeurs, qu'est-ce que tu fais au Centre Énergie Alpha de Québec? Bien, le Centre Énergie Alpha de Québec regroupe plusieurs professionnels qui partagent la vision commune que le bonheur ou encore la santé passe par la gestion de nos pensées, de nos émotions. En tout cas, et à tout le moins, si ce ne passe pas par la gestion, ce qu'on observe comme résultat au niveau de notre santé, encore de nos émotions, sont la résultante d'une mauvaise gestion de nos pensées, de nos émotions. Puis quand on est heureux, quand on est en bonne santé, bien, ça passe par la bonne gestion de tout ça. Donc, moi, mon rôle au niveau du Centre Énergie Alpha de Québec, je suis le gestionnaire du Centre Énergie Alpha de Québec. J'aime pas dire que je suis le propriétaire, parce que je considère que le centre est à tout le monde. Cependant, moi, mon rôle spécifique, c'est que je pratique une technique de médecine alternative ou, on va dire, de santé alternative qui s'appelle l'alignement alpha-magnétique. Puis, en quelques mots, ce que ça veut dire, ce que je fais au niveau de l'alignement alpha-magnétique, c'est que j'aide une personne par des techniques manuelles à se libérer du stress et des effets du stress en appliquant des techniques qui vont avoir un effet au niveau des neurosciences, au niveau des méridiens énergétiques, au niveau du système nerveux central et particulièrement au niveau du cerveau, comprendre comment est-ce que le cerveau fonctionne. Fait que l'alignement vraiment est jusqu'à aujourd'hui je ne connais aucune autre technique aussi puissante, aussi rapide, aussi profonde que l'alignement alpha-magnétique pour amener un changement rapide sur tous les volets de la santé d'une personne. Ça vient agir au niveau de l'équilibre chimique, au niveau physique, au niveau cérébral, au niveau émotif, au niveau mental, spirituel et postural. Mm-hmm. Et ça, en très, très, très peu de temps. Donc, voici ce que je fais. Mais quand on entend parler d'alignement, tu m'amènes sur le sujet. Souvent, on pense, quand on entend alignement, là, tu as dit le mot spirituel, on a l'impression que c'est de l'ésotérisme, qu'on s'en va vers le gourou, tout ça. Mais tu me dis que c'est scientifique, oui, il y a de la science là-dedans. Ça. Oui, c'est intéressant parce que, en fait, il y a plusieurs années, les gens pensaient que les gens qui travaillaient au niveau énergétique, là, on s'entend, moi, ce que j'ai à faire, ce que j'ai fait comme technique est éprouvé scientifiquement et ça a été étudié avec des appareils scientifiques modernes à la fine pointe. Et donc, on est capable de regarder au niveau physiologique, on est capable de mesurer, quantifier, qualifier les résultats, la façon que les choses se manifestent suite à la technique que je pratique. Donc ça, c'est un volet. Mais on s'entend que il y a beaucoup d'autres choses qui se produisent quand je fais l'alignement qui ne sont pas quantifiables, qualifiables. Et donc, au niveau de la science d'aujourd'hui, ce qu'on appelle, on va dire, la science 3D, donc des trois dimensions, il y a des choses qui ne sont pas, étant donné qu'on n'est pas capable de les répéter, les quantifier, les qualifier à chaque fois, ben, on calcule que c'est pas une preuve scientifique. Mais c'est correct, ça va. Mm-hmm. Mais moi, j'aimerais vraiment revenir sur la chose qui est la plus importante, c'est que ce qui était qualifié d'ésotérique dans le passé, aujourd'hui, on est capable de démontrer avec la physique quantique que tout ça, c'est scientifique. Et on part de la base que tout est atome. Et il n'y a personne ici, en 2017, qui peut être devant moi, peu importe la personne qui va me dire « Non, c'est pas vrai, les choses ne sont pas atomes et tout alentour de moi est solide. » Donc, les choses sont perçues comme étant solides, mais les choses ne sont pas solides. Et les choses sont perçues comme étant de la matière, mais à la base, tout est atome. Et c'est tout cet univers-là qui a été étudié et dont on parle, les grands-pères étant Nikola Tesla et Albert Einstein, nous amène dans une toute autre dimension, nous amène à voir ce qui se passe à l'intérieur de l'atome et les infinies possibilités. Qui, en fait, tout ce qui se produit à l'intérieur de l'atome, c'est tout simplement des probabilités. Et donc, si nous définissons notre réalité, nous limitons notre réalité par rapport à notre imagination, on limite vraiment l'expérience humaine à cette imagination-là, alors que pourtant, à l'intérieur d'un atome, ces possibilités-là qui sont infinies, elles ne connaissent pas de limites. Si on s'ouvre à ça, on peut vivre une vie extraordinaire. Absolument. On peut vivre une vie extraordinaire. J'aimerais ça... Parce que je te dirais que je suis un peu mêlée dans tout cet univers-là. Puis c'est pour ça aussi que je suis contente de t'avoir ce matin à l'émission. Parce qu'il y a une espèce de... on a un mélange de science. On a un mélange, comme tu disais, de bonheur, de façon de vivre, de tout ça. Bon, je veux juste recommencer. L'alignement... Écoute, c'est... c'est vraiment pour situer... Je me dis... j'aimerais ça aussi que les auditeurs puissent profiter de ce que tu... Au complet, vraiment qu'on puisse vulgariser le plus possible le sujet. Et puis moi, en premier, que je comprenne. Quand tu parles d'alignement, est-ce qu'on parle d'énergie? Est-ce qu'on parle de chakra? Est-ce qu'on on parle de quoi exactement dans l'alignement? Okay, c'est peut-être niaiseux comme question, mais je pose pareil. C'est merveilleux. Ben, je vais y aller de cette façon-là. Moi, je vois... Si on parle d'énergie... Oui. Les gens vont penser que l'énergie, ça a vraiment un rapport avec ce qu'on mange, ce qu'on boit. Et pourtant, les gens sont dépressifs. Ils ont beau bien manger, bien boire, ils n'ont quand même pas plus d'énergie. Mm-hmm. Et donc, on comprend que l'énergie se situe ailleurs et autrement. Il y en a d'autres qui mangent très mal puis qui ont de l'énergie comme ça se peut pas. Absolument. Donc, on voit que ça... Ça vient d'ailleurs. Et ce qui est fascinant, je m'amuse des fois à montrer ça à des gens, comment l'énergie fluctue en fonction de nos pensées, de nos émotions, puis c'est instantané. Donc, bref, l'énergie, on peut tout simplement dire que c'est se manifeste sous forme de pensées et d'émotions à travers le corps, en et autour de nous. J'aime bien considérer le fait que, à la base, l'énergie tout autour de nous et autour de nous, ce qui nous constitue, c'est de l'amour. Et ce qui n'est pas de l'amour est une interférence à l'amour. Et ce qui est issu de l'amour, c'est ce qui est issu de l'amour, donc on parle vraiment des émotions vertueuses, des pensées vertueuses, ne font pas une interférence, bien au contraire. Nous amènent à avoir une meilleure connexion intérieure et extérieure. Donc, mais qu'est-ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, il y a une interférence? L'interférence s'installe et on perd cette connexion-là avec qui nous sommes. Et avec les gens autour de nous, ben la réponse en grande partie, c'est qu'est-ce qui gère l'énergie? Comment est-ce que l'énergie circule à travers le corps? Le système des chakras fonctionne à travers ça, mais beaucoup plus simple que ça. J'aimerais dire que le cerveau gère notre santé, mais le cerveau gère également quelque chose qui est beaucoup plus puissant que ça, beaucoup plus important que ça. C'est la façon dont l'esprit s'exprime. Et donc le cerveau, s'il est hors équilibre, ça amène des conséquences au niveau de notre santé, mais ça empêche l'esprit de bien s'exprimer. Donc, comment ça se traduit? Mais je vais comparer un téléphone cellulaire avec le cerveau. Donc, si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas servi de notre téléphone intelligent, au bout d'un moment, il va se verrouiller. Ça va prendre un code pour rentrer à l'intérieur. Pour être capable de passer un appel, de communiquer avec qui on veut, recevoir les appels également. Mais malheureusement, ça fait longtemps qu'on ne s'en est pas servi. On trouve plus le code. On n'est plus capable de rentrer le code. Mais le téléphone, lui, fonctionne pareil. Il y a quand même les notifications Facebook, les emails vont quand même rentrer. Les mises à jour automatiques, ce qui est essentiel à la survie, au bon fonctionnement du téléphone, vont quand même se faire. On peut le brancher dans le mur, il va se recharger. Donc, le téléphone est quand même fonctionnel. Mais les seuls téléphones qu'on est en mesure de faire, c'est de signaler le 911, téléphone d'urgence. Ben oui. Le cerveau, c'est la même chose. Il réagit pareil. Quand ça fait longtemps qu'on ne s'en est pas servi à son plein potentiel, ou encore qu'on a vécu quelque chose qui l'a amené à se verrouiller dans un état où on ne peut pas l'utiliser à son plein potentiel. Exactement. Quelque chose du genre, oui. Le cerveau va gérer les automatismes. OK. Il va gérer les fonctions qui sont indispensables à notre survie. Donc, on est capable de survivre, mais on n'est pas capable de s'élever notre plein potentiel et donc de communiquer comme on le devrait. On peut faire que les téléphones d'urgence et donc l'esprit, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va gérer en mode survie la même chose. Et donc, plutôt que de voir toutes les possibilités d'une situation et également voir les contraintes, fort possible qu'on voit que les contraintes. Et on n'est pas capable c'est de s'exprimer. C'est la vie du bad lucky, comme on dirait en bon français. Tout à fait. Mais puis moi, ce qui est important là, c'est d'expliquer là-dedans, c'est qu'est-ce qui amène le cerveau à se bloquer. Tout à l'heure, on a parlé du téléphone cellulaire, c'est qu'on ça fait longtemps qu'on s'en est pas servi. Ou encore, peut-être qu'on a rentré le nouveau code, puis un code qui c'est pas le bon, puis c'est verrouillé. Au niveau du cerveau, c'est beaucoup plus... en fait, on le vit tous les jours. Je pense que tout le monde peut faire un parallèle avec ça. C'est le stress, les émotions qu'on gère. Et ça gruge l'énergie. C'est la première phrase qu'on pense. Bien souvent, là, on va dire « je suis stressé, j'ai plus d'énergie, je suis trop stressé ». Ça vient jouer avec ça. Encore faut-il l'admettre, parce qu'il y a bien des gens qui ne l'admettront pas. Il y a des gens qui tombent sur la défensive. Des gens vont tomber sur la défensive. Ils ne voudront pas admettre qu'ils sont stressés. Ben non, pas stressé, moi. Ben non, moi, je mange, moi, je bois. Je peux aller travailler, je dors, je ne suis pas stressé. Ouais. Fait que, non, mais... La douleur au niveau du dos, c'est pas le stress. C'est à cause que j'ai fait un faux mouvement. la digestion qui est pas bonne, c'est à cause que ce que j'ai mangé. Et cette maladie-là, c'est héréditaire. C'est à cause de... Mais on voit pas justement le facteur stress, alors que c'est fou. Les gens ne savent pas, mais jusqu'à 90%... Certains exemples que tu viens de donner que je connais pas du tout. T'sais, jusqu'à 90% de nos problèmes de santé sont causés par le stress. Eh ouais. Fait que souvent, les gens m'ont demandé, Patrice, que toi, ta technique, est-ce que ça fonctionne pour telle affaire? T'sais, écoutez, posez-vous tout simplement la question de savoir plus, est-ce que... Si 90%, jusqu'à 90% de nos problèmes de santé sont causés par le stress, c'est plutôt de vous poser la question, Patrice, sur quoi ta technique ne fonctionne pas? Mais si tu as un tuyau de 3 pouces à travers le corps, ça peut arriver que je ne sois pas capable de faire quelque chose pour toi. Tu sais. Mais, il y a une grosse chance que non. Il y a une grosse chance que non. Mais le noyau de plusieurs comportements, maladies, tout ce qu'il y a autour de l'humain, le stress, le cerveau, puis le stress qu'on vit tout le temps, c'est le déclencheur. Oui, mais puis c'est de comprendre comment est-ce que c'est déclenché. Parce qu'à partir du moment que les gens comprennent comment c'est déclenché et comment l'activité cérébrale ou en fait l'activité mentale vient affecter l'activité cérébrale et comment l'activité cérébrale vient affecter notre santé et notre capacité d'être heureux, il y a un pouvoir qu'une personne vient de saisir à ce moment-là. Comment ça se produit? Moi, je donne un exemple, mettons, on gère toujours des stress. Mais c'est quoi les stress? Les stress, c'est les plus communs pour tout le monde. Peur de ne pas avoir à manger, peur d'avoir froid, peur de mourir, peur d'être malade, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur d'être en retard. Des peurs. Ça, on les gère toujours à la base. On a peur de tout et peur d'avoir peur aussi. Exact. Fait qu'on gère toujours ces peurs-là. Elles sont tout le temps en background. Puis les choses vont toujours de plus en plus vite. Elles sont toujours de plus en plus complexes et donc on gère de plus en plus de peur. Et donc arrivent des événements qui sont juste un peu plus prenants, je vais l'expliquer de cette façon-là. Mettons comme un décès, puis on sort du temps des fêtes, il arrive plein de choses. Encore, moi, j'ai un ami qui est décédé le 25 décembre aussi. Chacun d'entre nous, on vit des choses aux fêtes, des chicanes et ça. Mais il arrive quelque chose comme un déménagement, un décès, un accident de la route et tout ça, qui fait que c'est un stress qui est de beaucoup plus grand et on chavire. Et le cerveau, là, se verrouille dans un état, justement, de survie. Qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'une petite composante du cerveau qui s'appelle l'amygdale qui vient mettre en branle plein de mécanismes de survie primitifs qui a fait que l'être humain, aujourd'hui, en 2017, est l'espèce dominante sur la planète Terre. Quoique, des fois, je me demande si c'est une bonne chose. Mais, en fait, c'est quand même ces mécanismes de survie primitifs-là qui ont fait en sorte que l'être humain prospère aujourd'hui. Mm-hmm. Mais malheureusement, et quand ça, ces mécanismes-là sont enclenchés, ça serait censé durer un très court laps de temps qui correspond au début d'un stress et la fin d'un stress. Mais malheureusement, quand la situation de pointe ou qui est plus prenante prend fin, il reste encore toutes les autres peurs qu'on gère qui sont de plus en plus nombreuses et donc de plus en plus rapides. Et donc, on débarque jamais... On ne se concentre pas sur ce stress-là qui est un deuil, qui est une perte d'emploi, qui est peu importe. Ben, en fait, on va le vivre pareil. Qui est le gros stress. Mais on va le vivre pareil. C'est juste que quand on sort de cet état-là de stress, mais de cette situation qui est plus prenante, on ne sort pas totalement de nos mécanismes de survie primitifs parce qu'on gère toujours des peurs. Mm-hmm. C'est une expression que j'utilise. entre autres comme pour caractériser, caricariser, si je veux dire, le travail, c'est qu'on a souvent des patrons qui essaient de faire du steak avec du ballonné. Mais c'est simplement pour expliquer la complexité des choses aujourd'hui, c'est qu'on essaie de faire plus avec beaucoup moins, puis beaucoup plus rapidement, plus loin, plus fort, et ça arrive, et c'est tout le temps constant. Et on est toujours en adaptation. Fait que bref, plus qu'une personne va vivre de situations beaucoup plus prenantes dans sa vie, beaucoup plus rapidement. En plus de ces stress-là, au bout d'un moment donné, le cerveau va se verrouiller comme le téléphone en mode urgence. On ne comprend plus. C'est pourquoi est-ce que je ne fais plus ces choses-là? Pourquoi j'ai plus le goût de faire telle chose? Pourquoi quand je les fais, j'ai plus le même plaisir qu'avant? Pourquoi je ne suis plus capable d'être dans le moment présent? Pourquoi est-ce que je m'énerve? Pourquoi est-ce que je suis impatiente? Pourquoi? Mais parce que je t'en survie. Je suis plus axé ou pense, j'ai plus une pensée plus réaliste de penser aux autres. J'ai une pensée qui est tournée vers moi. Pourquoi? Parce que je suis en survie. J'ai l'impression, mais ça c'est vraiment une impression, qu'on est de plus en plus jeune en mode survie à comparer aux autres générations qui nous ont précédés. J'ai l'impression que on entend beaucoup plus parler de dépression parce que à un moment donné, en mode survie, tu tombes en dépression, veux pas. C'est plus ou moins gérable. Ça peut aller jusque là. Puis une des choses que je peux expliquer, les gens ne comprennent pas nécessairement ce qui se passe au niveau du cerveau. Moi, j'appelle ça les neurosciences. Ce qui arrive, c'est que déjà nous, moi, je viens d'une génération. J'ai 47 ans. Je viens d'une génération et où j'ai eu une belle enfance où on a joué dehors, là. Puis comme tout le monde, j'ai vécu des stress et tout ça, mais la complexité et la rapidité où l'information rentrait et où on s'attendait à ce que j'allais livre était beaucoup moins grande qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, les choses vont beaucoup plus rapidement. On a les réponses plus rapidement. Ben, on pense à l'école, par exemple. C'est fou. Fait que c'est très demandant. C'est très demandant. Et pour les parents, aujourd'hui aussi, étant donné que cette réalité-là nous affecte également, on est moins présent. Et quand je parle présent, je parle arrêter, poser. Donc, nous, dans ce rythme-là, on entraîne également nos enfants dans ce rythme-là. Et c'est quoi une belle fin de semaine pour un enfant? Quand il arrive au terme de sa fin de semaine, le dimanche soir ou le lundi matin, quand il rentre à l'école, c'est quand il a été étourdi par ses parents. On a fait ceci, on a fait cela, on a fait ceci, puis on a refait cela. Et lundi matin, celui qui n'a pas fait grand-chose parce que ses parents étaient fatigués et qui ont pris le temps de se poser, il parle pas fort. Non. Puis, nous autres, on n'a rien fait, on fait jamais rien chez nous. Mais en fait, on s'entraîne beaucoup à l'agitation, on s'entraîne beaucoup à s'énerver, mais on s'entraîne pas au calme. Puis au bout d'un moment, en comprenant pas justement tout ce qui se passe, comment les neurosciences affectent notre santé et notre bonheur, au bout d'un moment, on comprend plus pourquoi est-ce que le corps est en réaction. Pourquoi est-ce que les gens ont les déficits de l'attention? Est-ce qu'on t'a déjà appris à te poser? Est-ce que tu t'es déjà assis 2 secondes et à être dans l'air, à respirer? Mm-hmm. Mais non, on va s'étourdir. Puis une des réalités que j'ai vécues aussi dernièrement, on pense le syndrome post-traumatique, on pense à des gens qui ont fait la guerre. Et bien, moi, je peux vous dire que j'ai traité, entre autres, un jeune qui était en post-traumatique, mais parce qu'il jouait tout le temps à des jeux de guerre. Oh, OK. Tout le temps. Toujours en train de stimuler. Et les jeux de vidéo sont tellement bien faits aujourd'hui. Ben oui. Au niveau du visuel, au niveau du sonore et tout ça, c'est qu'il plongeait dans cette réalité-là. Il se maintenait dans cette réalité-là de façon constante. Mm-hmm. Et donc, le cerveau avait la perception qu'il était toujours à la guerre. Et donc, il manifestait. Le cerveau a provoqué cette personne-là, la fabrication d'hormones qui étaient nécessaires à la survie et les changements physiologiques qui étaient nécessaires également. Et donc, on s'entend-tu que c'est pas du tout la même chose qu'on a pu vivre il y a longtemps? Fait que oui, effectivement, nos jeunes sont de plus en plus stressés et les parents sont de plus en plus stressés. Oui. Et ça a un effet l'un sur l'autre. Mais là, quand on parle, justement, tantôt, on parlait d'énergie. Un stressé, l'autre stressé, j'imagine, ça doit s'encourager, ça doit faire boule de neige à un moment donné. Absolument. Si on prend une guitare et qu'on la met dans le coin d'une pièce, et qu'on prend l'autre guitare et qu'on la met dans l'autre coin d'une pièce, et qu'on joue, on fait jouer les cordes d'une seule guitare. Mais si on va tendre l'oreille sur la guitare sur laquelle qu'on n'a pas touché, on va s'apercevoir que les cordes de guitare sont en train de vibrer aussi. Mais c'est la même chose pour nous dans une maison. Quand une personne est stressée, quand une personne est en colère, elle n'est pas obligée de dire même un simple mot. tout le monde est au courant. Même les animaux vont la fuir, ils n'iront même pas la voir. Ouais. Fait que oui, effectivement, ça a un effet. Et donc, moi, quand les gens viennent me voir pour dire, Patrice, on aimerait ça faire des séances d'alignement, mon fils va pas bien. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, voir mon fils? Mais ce que je vais dire aux gens, c'est, écoutez, je vais commencer par vous. Avant de voir votre enfant, oui, avant de voir votre enfant, et je vais commencer par vous. Parce que la réaction des gens, ils sont être très ouverts. Oui, effectivement, il y a des gens qui sont surpris. Ils doivent être surpris quand même. Là. Mais c'est tellement logique. Et les exemples que je leur montre sont tellement probants que très, très, très rapidement, ils catchent et puis sont très ouverts à ça. Fait que de ce côté-là, il y a une très grande facilité à convaincre les gens de dire, écoutez, si vous voulez que votre enfant aille bien, ben c'est un peu comme dans un avion. Quand l'avion est en train de s'écraser, les masques oxygène, on vous dit, la consigne de sécurité, c'est prenez le masque, mettez-le sur vous d'abord et ensuite sur votre enfant. Mais pour l'alignement et pour le bien-être d'une famille, ça va commencer par les parents. Oui, ah, c'est super intéressant. J'aimerais ça continuer aussi. On parle des émotions, on parle du stress, tout ça. Est-ce que c'est vrai qu'on dit que la santé globale, c'est 80% d'émotions chez l'humain? Effectivement. Je parle de l'humain, je sais pas. Je m'en vais pas vers les animaux ou autre chose, là, mais chez l'humain, là, ben 80% oui, on est fait d'émotions. C'est intéressant parce que là, on vient de parler de stress, on est pas mal dans la grosse émotion. On offre, ben, si on regarde, sur le 100% du stress, il y a 20% qui se trouve être l'alimentation, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on entend. Seulement 20%? C'est 20%. C'est ce qu'on mange, ce qu'on boit. Ça va être des stress physiques, des mouvements répétitifs, des choses comme ça. Ça, c'est 20%. Et 80%, c'est nos pensées, nos émotions. Fait que c'est drôle parce que il y a des gens qui vont penser que bien gérer leur santé. Et quand on parle de stress, on parle vraiment de santé. Il y a une interrelation qui est très, très, très étroite. Il y a des gens qui pensent que juste en mangeant, en buvant bien, en faisant du sport 3-4 fois par semaine, qui vont bouger être en santé. Manger mieux, ben oui, ce qu'on voit. Exactement. Fait que je vais être capable de gérer mon stress avec ce que je mange, avec des petites herbes, des choses comme ça, et également en faisant du sport. Puis là, hey, super, je vais aller super bien. Puis finalement, on se rend compte que les gens, ça fonctionne pas. On se dit, mais pourquoi ça fonctionne pas? Mais c'est parce qu'on met notre focus sur le 20%, alors que le 80%, c'est nos pensées, nos émotions. Fait qu'effectivement, tu as totalement raison. 80% de la gestion de notre santé et 80% de la gestion de notre stress doit passer par un regard sur nos pensées, nos émotions. Si je comprends bien, si on mange une super bonne salade, ben des légumes, tout ce qui va avec, puis on est plein de nutriments, puis... Mais qu'on la mange stressée, ça donne rien. En fait, on aurait... Si on la mange... On revient au stress, gars. Oui. Mais en fait, il y a un exemple que j'aime donner. C'est que si, mettons, on mangerait un gâteau au chocolat, qui était fait avec beaucoup d'amour, sans stress, sans rien, là, c'est un gros gâteau au chocolat, plein de sucre, plein de gras, puis qu'on le mange en paix, sans aucune culpabilité... et que il a été fait avec amour, donc la vibration elle est bonne, parce qu'à la base on parle vraiment que tout est énergie, donc est vibratoire. Ce gâteau-là va être beaucoup plus bénéfique qu'une salade qu'on déteste manger, qu'on veut absolument rien savoir de manger. On n'a pas la motivation, la motivation, puis on n'a pas l'intention. On va manger pareil parce que c'est pas l'intention de manger une salade pour me faire du bien. Je mange une salade pour perdre du poids. Fait que peu importe ce que ça va être, peu importe la motivation, l'intention qui est reliée à la salade, si ça nous amène dans un état d'esprit qui perturbe notre paix intérieure versus le chocolat, le gâteau au chocolat, ça n'a plus rapport avec l'aliment lui-même. Ça peut être n'importe quoi. Fait qu'autrement dit, on est mieux de se payer une bonne poutine qu'on a le goût de manger cette journée-là plutôt que de manger notre salade. Ben, non, c'est pas... C'est bon, mais ce que, en fait... Moi, je prends ce qui me va, là. Mais, en fait, l'essentiel de ça, c'est de comprendre que ça passe pas juste par non, là. Non, mais c'est juste ça. Et mais puis, c'est l'intention derrière aussi. C'est ça qui compte le plus, en fait. Et le but, il y a un grand philosophe et un grand maître qui dit qu'il y a une voie qui s'appelle la voie du milieu. Et la voie du milieu, c'est de rester en équilibre. Et donc, l'équilibre comporte beaucoup de choses. Et donc, étant donné que 80% de notre santé ou encore notre gestion du stress passe par la pensée et nos émotions. Est-ce que ça veut dire qu'on va absolument pas regarder ce qu'on mange? Ben pas du tout. C'est là de prendre en considération également, c'est de bien manger. Non, je parlais d'un exemple d'un midi, par exemple. Ben oui, OK. Peut-être un midi. Ben oui, fait trop plaisir. J'ai l'air de celle qui mange bien de la poutine. Mais non, ce que je veux dire, c'est vraiment si ce midi-là, ça nous tente pas, je vais reformuler, si ça nous tente pas ce midi-là de manger notre salade verte, puis si on y va à contre-cœur, puis qu'on la mange stressée, puis que ça nous tente pas, on n'est pas dans le monde, puis gars, je vais aller me prendre, par exemple, peu importe, n'importe quel autre mais, voyons, je vais le dire en français, si on prend n'importe quel autre mais qui nous réconforte, ben gars, si c'est juste un bouillon de poulet, puis il y en a qui vont dire, ben là, il me manque des protéines, il te manque ci, il te manque ça, mais le bouillon de poulet, il me fait du bien, puis ça me tente de prendre ça. J'ai été plus sage que la poutine, là, cette fois-là. Mais c'est mieux, c'est ça. C'est d'y aller avec ce qu'on ressent aussi, c'est d'être connecté avec nous-mêmes, c'est ça? Je pense que la clé, encore, va revenir à est-ce que ta façon, ce que tu consommes et ta façon de le consommer, est-ce que ça vient de troubler ta paix intérieure? Ouais. Tout simplement. Et donc, c'est vraiment de mettre l'accès sur la paix intérieure et de ne pas se flageller vers une extrémité ou encore vers l'autre. C'est ça. Fait que vraiment notre paix intérieure devrait prendre la place et vraiment d'y aller de façon équilibrée dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit avec nos amis, que ce soit notre alimentation, que ce soit avec le travail, que ce soit avec le sport, c'est d'y aller vraiment d'une façon équilibrée puis de regarder l'ensemble, pas à cause que justement il y a un 20%, je vais mettre 100% sur mon 20% ou je vais mettre 100% sur le 80%. Est-ce qu'on peut un peu regarder tout ça ensemble? Est-ce qu'on peut regarder un peu le nombril aussi? Est-ce qu'on peut voir comment nous, on est par rapport à tout ce qu'on nous impose autour, manger bien, courir, le jogging est à la mode, mais c'est pas tout le monde qui est capable. Fait que tu sais, c'est d'aller avec un équilibre, puis en même tout temps se faire confiance. J'aimerais ça, on va, ça a passé vite déjà la première demi-heure de passer, on va prendre une pause, puis au retour, j'aimerais ça qu'on puisse parler des intentions, la motivation, l'intention, quand on fait, mettons, un projet, là, on est dans le mode des résolutions, tout ça, on a des projets qu'on veut faire pour l'année, puis c'est quoi la différence entre l'intention et la motivation? Merveilleux. Et de retour à l'émission Les Différents à l'antenne de CKRL au 89.1. Toujours Mélanie Florent qui est avec vous jusqu'à 10h. Et puis ce matin, je continue mon entretien avec mon invité qui est Patrice Trudeau. Elle est là ce matin, là, Patrice. J'ai besoin de ton alignement. T'es propriétaire, même si t'aimes pas le dire, mais t'es quand même un des propriétaires, on pourrait dire ça. Parce que tout le monde est un peu propriétaire du Centre Énergie Alpha de Québec. Et puis, avant la pause, on parlait de qu'est-ce qui est l'intention, qu'est-ce qui est... quand on fait un projet, pourquoi certains fonctionnent, certains d'autres projets ont plus de difficultés à fonctionner. C'est une question d'intention, tout ça. J'aimerais ça comprendre. Super. Bien, c'est drôle que tu me parles de ça. Puis... au centre, présentement, on a commencé une série de formations qu'on appelle une formation sur la santé globale. Et d'entrée de jeu, la première formation qu'on a donnée, le premier sujet, c'était justement le pouvoir de l'intention. Fait que, et puis la formation qu'on donne au Centre Énergie Alpha de Québec, qui sont la santé globale, comporte beaucoup, beaucoup d'ateliers qui viennent, on parlait tout à l'heure du 80-20, ce qui pour est le stress. Pour situer 80-20, 80% d'émotions. Gestion de pensée et gestion d'émotions, de comprendre comment ça. Qu'on est fait comme ça. On est fait à 80% d'émotions, 20%. Ben, je ne vais pas dire qu'on est fait de ça, mais je vais dire tout simplement que quand on parle de stress, on parle de santé, on parle d'une importance que 80% de nos pensées, de nos émotions, c'est ce qui va affecter le 100%. Fait, le 80%, 100% de ce qu'on vit au niveau du stress et 100% de notre santé, donc, a un impact où il est divisé de la façon suivante. 80% pensée, 80% émotion, et l'autre 20%, c'est ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on fait de façon répétitive, les sports et tout ça. Donc, on vient dans cette formation-là couvrir, en fait, tous les éléments de ce 100% %-là. Mm-hmm. Pour que les gens repartent avec des outils, soient mieux outillés pour mieux gérer leur santé, leur bonheur, et également puissent aussi accompagner des gens en conscience pour leur santé et également leur bonheur. Puis le pouvoir de l'intention était, comme je vous dis, le premier atelier qu'on a redonné, qu'on va redonner d'ailleurs en avril, si je me trompe pas. Je pense qu'au début avril, on va redonner le même atelier parce que ça avait vraiment bien fonctionné. Et ce qui va faire, tout est vibration. Et dépendamment de nos pensées, donc dépendamment de nos émotions, dépendamment de ce qui va nous motiver à faire un projet, notre vibration ne sera pas la même. Et c'est vraiment là où il y a une immense différence sur est-ce qu'un projet va se réaliser ou est-ce qu'il se réalisera mm-hmm. pas. Mais j'aimerais aller encore plus loin que ça. Parce que quand on donne cette formation-là, je pense qu'il y a peut-être des gens qui disent, ben écoute, pouvoir d'intention, pour moi, ce qui est hyper important, puis là, on arrive en 2017, moi, ce que je veux, là, c'est d'avoir une nouvelle voiture. Moi, ce que je veux, c'est avoir une grosse maison. Moi, ce que je veux, c'est si, c'est ça. Fait que donc, on est beaucoup dans, on projette, on a l'intention de matérialiser beaucoup, beaucoup de choses. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on se pose la question, savoir pourquoi? Simplement pourquoi? Qu'est-ce qui me motive à vouloir avoir un nouveau travail? Qu'est-ce qui me motive à avoir une nouvelle voiture? Est-ce que c'est pour impressionner les voisins? C'est ça. On est-tu, en fait, être honnête, se demander si on est le voisin gonflable de quelqu'un. Exactement. Donc, la motivation va affecter l'intention. L'intention étant de dire que je veux une maison. Mm-hmm. Et la motivation va être pourquoi est-ce que je veux avoir cette maison-là? J'ai 12 enfants, puis d'habiter dans un 3,5, c'est pas l'idéal. Donc, par amour pour mes enfants, pour leur donner un milieu de vie dans lequel ils vont pouvoir respirer, mieux s'exprimer, mieux vivre l'expérience humaine. Donc, par amour pour mes enfants, je désire avoir une plus grande maison et c'est ce que je veux manifester. C'est pas du tout la même chose. La vibration n'est pas du tout la même. Mm-hmm. Et est-ce que ça va se réaliser? Ce qu'on amène dans le pouvoir d'intention, ce que je vais là... Parce qu'il y en a qui nous écoutent, qui disent... Admettons, là, on parle là, de, par exemple, de la femme qui, ben, du parent, en fait, qui veut un logement plus grand pour ses enfants. Bon, par exemple, puis qui t'écoute un matin, puis qui dit, « Ouais, mais regarde, je veux, j'ai l'intention, je veux, là, mais ça fonctionne pas. » OK. Ben, c'est bien. Un petit peu plus loin. C'est merveilleux, mais il s'agit aussi de comprendre ce qui se passe au niveau de l'inconscient. Parce que si le conscient, moi, consciemment, je veux une maison ou je veux plus d'argent pour un projet, mettons que c'est peut-être mon enfant qui est malade, je désire avoir plus d'argent pour faire soigner mon enfant, ou peu importe le projet, je désire avoir telle chose. Mais au niveau de l'inconscient, il y a une résistance. Au niveau de l'inconscient, il y a quelque chose qui est installé là, qui dit une autre programmation, qui dit « Ben non, toi là... » Tu t'es toujours dit, tes parents ont dit, puis tes grands-parents ont dit, puis tous tes amis ont dit que les gens qui ont de l'argent, c'est des crosseurs. Mm-hmm. Que les gens qui ont de l'argent, ils vont en enfer. OK? Donc, le conscient dit, moi, je veux de l'argent, mais l'inconscient dit, ben non, tu t'en veux pas d'argent. Exactement, tu vas pas être vu comme un crosseur. Donc, il y a également un exercice d'alignement. Puis l'alignement, c'est d'être cohérent. C'est d'être aussi d'aller faire et donc de se poser la question du pourquoi, puis d'aller voir aussi pourquoi ça ne se manifeste pas. Mm-hmm. Puis de dire, OK, t'as une seconde, je vais me pencher, je vais m'asseoir, je vais me déposer avec ça, puis je vais regarder quels sont mes conditionnements par rapport à ce que je souhaite attirer à moi. Et moi, ce que j'aime dire aux gens, c'est on est l'univers c'est nous. On est beaucoup plus grand. L'expérience humaine ne se définit pas par le corps uniquement. On est venu faire une belle expérience ici sur Terre, mais notre vraie nature, elle est beaucoup plus grande que ça, elle est divine. Et Dieu, c'est nous, c'est Dieu. Peu importe la façon qu'on veut l'exprimer, l'amour, peu importe les croyances. Peu importe les croyances, mais on est divin. Et des fois, les gens vont vouloir jouer à Dieu, vont vouloir jouer à l'univers, vont vouloir penser que leur ego, le « je me moi », peut définir mieux que tout ce qui est mieux pour lui et pour les autres. Et j'amène les gens à l'humilité. De dire, OK, on veut quelque chose, on veut matérialiser quelque chose, on veut que quelque chose se produise, mais ramenez-vous à l'humilité, en disant, ramenez-vous à votre vraie nature en disant, et donc pour lâcher prise aussi. Oui, parce qu'on est en réaction tout le long, là. Effectivement. Si on dit, non, non, ça c'est mieux pour moi, puis je suis sûre de ça, puis on joue à Dieu, comme tu dis, on est totalement en réaction, puis on est fermé à ce qui est à faire, là. Mais je pense qu'on peut, mettons qu'on s'ouvre à toutes les possibilités, puis qu'on se dit finalement, en bout de ligne, avec cette grande humilité-là, on dit, ben regarde, ce que je souhaite, c'est, mettons, ça, si c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, si c'est ce qu'il y a de mieux pour moi et les autres, et donc je lâche prise, et donc ce que ça vient faire, c'est que si c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour nous, cette chose-là va se matérialiser. On peut dire aussi, je veux ceci, ou encore, j'aimerais matérialiser ceci, ou encore mieux, selon ce qu'il y a de mieux pour nous. Et donc, on ne limite pas les possibilités. Tandis que, et donc, on peut lâcher prise sur quelque chose. Parce que une personne, on peut penser qu'une personne dit, mais écoute, moi, ce que je souhaite à toute l'humanité, c'est la prospérité. Mais c'est de voir une réalité qui est pas pro. En fait, c'est d'imposer une réalité qui n'est peut-être pas bonne pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ne veulent justement pas vivre la prospérité. Ils veulent vivre la simplicité volontaire parce que c'est trop de distraction d'être prospère. Eux, dans leur réalité, ils voient une distraction de la prospérité. Ça leur appartient, il n'y a pas de jugement là-dedans. Donc, c'est pour ça d'avoir une grande humilité par rapport à ce qu'on souhaite pour nous et pour les autres. C'est ce qu'il y a de bien. On est capable de lâcher prise avec ça. Et pourquoi est-ce qu'une chose... Mais je reviens à ta question. Pourquoi est-ce que pour une personne, les choses se manifestent ou ne se manifestent pas? Mais regardons vraiment la motivation qui va augmenter la vibration si on est proprement motivé. Combien de temps passons-nous à visualiser ce que nous voulons attirer? Si on pense à nos problèmes, si on pense à une vengeance, si on pense, on est des pensées destructrices beaucoup plus que centrées et alignées sur ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, et qui est aussi penché vers notre motivation à vouloir peut-être aider les autres ou telle affaire. Ben écoute, mais comme par quel miracle les choses vont se réaliser. Tu dis que tu veux telle chose, mais tu passes très peu de temps, tu mets très peu d'énergie à vouloir matérialiser cette réalité-là. Mais il n'y a pas de miracle. Ben, tu m'amènes à un sujet que, par exemple, on parle de tableau de visualisation. On parle, par exemple, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens vont prendre un tableau, mettre des images de ce qu'ils veulent. Donc, la santé, ils vont mettre des images de santé, des images de voyage, tout ça. Si on visualise ça à chaque fois, mais qu'on n'a pas nécessairement l'émotion qui vient avec la photo, c'est parce que là, tu as parlé de quelqu'un qu'on déteste. On fait juste y penser à cette personne-là. On fait juste la voir en photo. Je suis pas capable de la sentir. Là, il y a l'émotion. C'est sûr et certain qu'on crée un courant, puis on va tomber face à face avec cette personne-là. Ou en tout cas, on va la voir souvent. On va la voir retentir souvent. Ton point est très bon. C'est comme mais le positif, pourquoi qu'on réagit pas autant? Le négatif vient plus nous chercher. C'est-tu la façon qu'on est élevé ou nos valeurs? C'est la survie. C'est la survie que tu parlais tantôt, le stress, la survie. Puis, exactement, c'est la survie. Étant donné qu'on est une personne va passer très peu de temps, justement, dans la aujourd'hui, bien entendu, dans la créativité. Donc, le fait d'être toujours en survie, le fait de travailler, et d'être toujours en adaptation, on est justement dans un contexte comme celui-là qui nous amène à avoir des pensées négatives. Si on est capable de créer un environnement, de se donner la chance de vibrer, on refait l'espace dans notre vie pour vibrer positivement, d'être en contact avec les gens, d'avoir de belles relations, c'est merveilleux. Ça devrait assez bien aller, mais si on ne se donne pas cet espace-là, si on n'est pas conscient de l'importance de ça, mais on se fait emporter par un flot incessant d'agitation mentale. Et dans cette agitation mentale-là, malheureusement, on perd de vue quelle est notre nature profonde et notre motivation profonde. Mm-hmm. Et tantôt, tu parlais du tableau de visualisation. C'est merveilleux. Et puis, ce qui est hyper, hyper important quand on est dans le pouvoir de l'intention, quand on veut attirer une réalité ou en créer une, c'est vraiment de vibrer l'émotion qui vient avec cette visualisation-là. Pas juste de voir, puis je l'ai vu, c'est de vibrer comment est-ce que je me sentirais là-dedans. Puis, hyper important aussi par rapport au pouvoir de l'intention, c'est que garder toutes les possibilités ouvertes pour aller au-delà de notre imagination. Mm-hmm. Parce que notre imagination devient également une prison. Parce pas se limiter à l'image, par exactement, exemple. Parce que je visualise quelque chose, mais est-ce que ça peut aller au-delà de ça? Mais si on rajoute dans notre intention la possibilité que je ne suis pas capable même d'imaginer toutes les possibilités, ben on s'ouvre encore des possibilités qui sont beaucoup plus qui sont infiniment grandes. Mais si on se dit qu'il faut que ça se passe absolument de telle façon, mm-hmm. et même qu'on le vibre avec toutes les émotions, on se coupe de beaucoup de choses. Puis un exemple, c'est qu'une personne va dire, écoute, on reste dans la base, même pas d'image, où en fait, on va visualiser quelque chose comme un moyen de transport qui est hyper confortable. La personne va dire, écoute, moi, mettons, j'ai une mission hyper importante. Je donnais l'exemple justement en formation dernièrement. Une personne qui dit, moi, j'ai une mission hyper importante dans la vie et moi, ce que j'ai besoin, c'est d'une Mercedes-Benz. Parce que moi, avec une Mercedes-Benz, je vais être confortable, ça va aller rapidement, ça va être sécuritaire, je vais me sentir super bien, c'est fiable au bout, un beau système de son, parfait. Fait que moi, là, je ne sentirai pas nécessairement le temps quand je vais voyager aux différents endroits parce que ce que j'ai, la motivation que j'ai, c'est de transmettre, peu importe le message ou la mission, peu importe, c'est hyper important pour moi, puis l'univers est peut-être d'accord, carrément d'accord avec ça, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais nous, on s'est dit, je limite ça à une Mercedes-Benz. Plutôt que si on avait été beaucoup plus large et dire j'ai besoin d'un moyen de transport qui est rapide, sécuritaire, luxueux, peu importe, peut-être que plutôt que d'avoir une Mercedes-Benz, parce que c'est ce qu'on a imaginé, on aurait peut-être eu un avion. Et la mission étant tellement importante, oui. peut-être que c'est les autres personnes à qui on aurait communiqué mm-hmm. notre mission, qui, eux, auraient joué peut-être d'une Mercedes-Benz. Puis, en fait, la raison que je parle d'une Mercedes-Benz, c'est parce que souvent, dans l'imaginaire des gens, une grande voiture, une grosse voiture, ben oui. c'est la Mercedes. Puis, il n'y a pas de jugement là-dedans. J'ai juste mis l'exemple, mais c'est parce que souvent, le plus loin on peut aller avec l'imagination, c'est une Mercedes. La voiture de luxe, ben oui, la BM, ça. La Mercedes, ça aurait pu être n'importe quelle. Mais c'est vrai qu'on se limite, autrement dit. C'est ce que tu racontes. Mais il y a moins de limites du côté quand on est de mauvaise humeur. Là, on a de l'imagination à en revendre. Ça revient à la survie que tu parlais. Puis, si on revient aussi au sujet de... Tantôt, on parlait un peu les malheurs, le bad-locké, gens qui sont bad-lockés. Okay. On a parlé aussi, on a abordé le sujet du lâcher-prise. Lâcher-prise, ça veut pas nécessairement dire... Tu viens de l'aborder un petit peu. Ça veut pas nécessairement dire, ben laissez ça aller, puis ça va y aller. Moi, je tiens plus à ce projet-là, je tiens plus à ce mode de vie-là. Moi, je lâche prise. Tiens. C'est pas ça, lâcher prise. C'est pas... Tu viens de l'expliquer un petit peu, mais j'aimerais ça qu'on détaille. Puis aussi, le principe de la personne malchanceuse, tout ça. Ah, moi, j'abandonne, je suis malchanceuse. Tiens, c'est correct, puis... Je pense que je vais commencer par ça parce que tu disais les gens qui se voient comme malchanceux, moi ça m'arrivera pas, pourquoi est-ce que moi je suis malade, puis moi là, les choix, les mauvais choix, tout le temps à moi, là. Là, on est là-dedans, tu sais. Ben ça c'est pour les autres, moi ça m'arrivera pas à moi parce que moi je suis bad locké, tu sais, puis la maladie c'est parce que je suis bad locké, puis lui s'il a réussi dans son projet, ben c'est parce qu'il est chanceux. Fait que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais si on veut que ça fonctionne comme ça et que la réalité qu'on a créée, c'est celle-là, ben oui, effectivement, ça va fonctionner comme ça. Puis mm-hmm. tu vas avoir raison, parce que c'est cette réalité-là que tu vas continuer à tirer. Mais si tu veux changer cette réalité-là, il va falloir que tu vives autrement. Mais une chose qui est très difficile pour les gens d'acquiescer, d'accepter, c'est qu'ils sont les artisans des résultats qu'ils obtiennent par rapport à leur santé, par rapport à leur bonheur. Ils sont à la source de ces résultats-là. Ça, c'est là, difficile. Là, tu fais réagir. Tout est notre faute, autrement dit, ou pratiquement tout. C'est grâce à nous. C'est grâce à nous, notre faute. Et beaucoup de gens vont dire, ben non, c'est pas à cause de ça. C'est à cause que j'ai fait un accident. C'est pas à cause de ça. C'est parce que je suis tombé. C'est à cause de mon boss. C'est à cause du contexte économique. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça. La maladie du c'est à cause, comme j'ai déjà lu. Il y avait le livre de Christine Michaud, justement, qu'il y avait un syndrome du c'est à cause. C'est à cause de tout. C'est à cause. Effectivement, oui. Mais les gens, quand on arrive là, dans cette dimension-là, où on dit, regarde, attends une seconde, tout ce qui se passe, tu es à la source de cela, wow, ça fait réagir les gens. Pourquoi? Une des choses, c'est que ça les met face à leur passé. Ça veut dire, hein, mais si j'admets ça, ça veut dire que tout ce que j'ai vécu dans le passé, j'en suis à la source. Moi, je ne veux pas aller là. Je veux pas aller là. Je veux pas dire que tout ce que j'ai vécu, j'en suis la source. Mm-hmm. Fait que, il n'y a pas de victimisation, il n'y a pas de bourreau là-dedans. C'est un constat. Parce que maintenant, si on décide que dans le futur, les choses qu'on veut attirer à nous soient des choses qui soient agréables, mais d'embrasser cette réalité-là peut rendre cet avenir-là et ce présent-là, cette journée mm-hmm. aujourd'hui, réalisable. On peut en faire une réalité, mais ça passe par cette réalisation-là, ça passe par cette reconnaissance-là qu'on est à la source de tout ça. On parle, parce que tu dis... vas-y, excuse-moi. Ben, par exemple, c'est drôle parce que là, tu viens de dire, tout est par rapport à nous. On est responsable de ce qui nous arrive, de bon comme de mauvais. Puis, il y a la Montréalaise en moi qui a eu le flash. Le meilleur exemple, on parle du Canadien de Montréal. On gagne, ils perdent. On dirait qu'on veut pas s'impliquer dans une défaite. On veut pas assumer la défaite. On la remet tout le temps, le syndrome du stakos que tu viens de mentionner. Mais c'est vraiment ça qu'on entend. On gagne, ils perdent. Ben c'est les gens il y a une personne qui donne un atelier qui va donner un atelier au centre qui s'appelle Lina Andé et qui vient vraiment qui va beaucoup plus loin qui amène une dimension au sujet du bureau et de la victime on parle quand on a une situation on a le choix de la regarder de la façon qu'on veut. Et donc, si on se dit que tout ce que j'ai vécu dans le passé, ça a été que de la merde, ça a été que des bad luck, plutôt que de dire que c'est un cumul d'expériences qui me permettent de mieux vivre aujourd'hui, ou en tout cas, ou de réaligner mes choix, puis qu'on se voit soit dans une situation comme étant un bourreau, encore une victime, c'est irréaliste, parce que dans les faits, il n'y a jamais juste du positif ou juste du négatif. Ça, c'est pas être objectif. C'est ce que tu dis, en fait. Il y a toujours un peu de positif. C'est une question de perception. Par exemple, si admettons qu'un enfant se fait abandonner par son père ou par sa mère pendant qu'il est jeune, on peut tout simplement, tout le monde collectivement, dire « pauvre enfant ». Pauvre enfant. Et cet enfant-là aussi, prendre ces bottines-là de victime, dire « pauvre moi ». Mais ça serait aussi... Ça serait faux de dire qu'il n'y a que du négatif là-dedans, parce qu'effectivement, je ne souhaite pas ça à personne de vivre quelque chose comme ça. Mais d'un autre côté, c'est parce que et là, c'est mes peurs qui parlent. C'est mes peurs qui parlent basées sur ce que j'ai vécu. Les choses se passent, la vie se manifeste comme elle doit se passer. Mm-hmm. Et donc, l'enfant qui est abandonné, peut-être par son père, ou la perception d'avoir été abandonné, il a développé également la débrouillardise à travers ça. Ben oui. Donc, il y a un côté positif. La personne qui a vécu peu importe le calvaire peut choisir de dire, mais écoute, j'ai été victime là-dedans, ou aussi de se retourner de bord et de dire, mais oui, mais il y avait également cette opportunité-là. Il y avait également cette reconnaissance que maintenant, il y a telle chose, que ce choix-là, je vais le faire différemment. Donc, finalement, quand on est capable d'éliminer cette notion-là de victime et de bourreau, notre vie prend un autre tournant. Mais comment, en terminant, parce qu'il reste quelques minutes encore, comment on peut ne plus justement être intoxiqué par cette victimite ou du stakos-là? Est-ce que c'est ce que tu fais dans tes ateliers, dans tes conférences? Est-ce que c'est ce que tu enseignes un petit peu? On va terminer. Vous aidez ça, en tout cas. Vous aidez à ne plus être victime, là, c'est sûr et certain. Vous réalignez, vous... Ben, automatiquement, si on amène les gens à conscientiser le fait qu'ils sont à la source de tout ce qu'ils vivent, ben oui. On vient déjà de changer de réalité. On devient moins victime. Absolument. On a un pouvoir dans la réalité. On a un pouvoir. Et donc, on amène les gens vers là. Et puis, moi, ce que j'aimerais dire en terminant, parce qu'il reste très peu de temps, c'est que il reste 3 minutes. L'important, l'an 2017, il y a peut-être plein de gens qui vont dire « Je suis 20 000 ateliers, puis ça finira jamais, un atelier après un autre et tout ça. » Ramenez-vous à qui vous êtes. Ramenez-vous à votre nature profonde, l'être. Et l'être, vous allez le trouver dans le calme. L'être, vous allez le trouver dans une paix intérieure. Et si vous avez votre focus sur des choses qui perturbent votre paix intérieure, vous perdez contact avec votre nature profonde. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'aller vers des formations, si vous voulez, ou vers des gens qui vont vous amener vers vous, qui, parce que sinon, une construction incessante de quelque chose qui s'appelle des fois un ego spirituel. Mais ramenez-vous dans la simplicité de qui vous êtes et c'est parfait comme ça. Et nous, ce qu'on amène au centre et ce qu'on amène par l'alignement, par rapport à la méditation, par rapport à n'importe quoi, c'est des instruments qui peuvent nous aider à rester dans l'être, dans la simplicité. Il y a beaucoup d'autres personnes qui proposent autre chose, mais posez-vous toujours la question, est-ce que cette démarche-là, cette décision-là, est-ce qu'elle me ramène à qui je suis réellement et est-ce que j'aime y maintenir? Mm-hmm. Donc, ouais. C'est en 2017 ce que je vous souhaite. c'est justement de redécouvrir la simplicité et la beauté et la grandeur à qui nous sommes réellement, puis que ce qui doit se manifester dans notre vie se manifeste pour nous, mm-hmm. tout simplement, et de voir les opportunités à travers ça. Patrice, si on veut aller aller à tes ateliers, parce qu'il y a beaucoup de services qui sont offerts chez vous. Là, ah oui, il y a de l'ostéopathie, il y a de la massothérapie, il y a des différentes formations, il y a du coaching. Il y a l'hypnothérapie avec Dave, effectivement. Ben oui, qu'on a reçu juste oui. avant les fêtes. On a Julie Turcotte qui travaille avec nous, qui aide à comprendre qu'il y a des gens conscientisés. Pourquoi est-ce qu'ils sont malades? Quelle est la source? Pourquoi est-ce que leur corps leur parle de telle façon? Donc, on a différents services. Et moi, bien entendu, avec l'alignement Alpha Magnetics. Fait que si on veut nous rejoindre, on peut nous rejoindre par téléphone au 418-847-5842. On peut également aller sur notre site web qui centre... On peut poser des questions là-dessus, hein, je pense. Est-ce qu'on peut? Il y a un formulaire de contact aussi. Oui, effectivement. On peut y aller sur le site web centreenergiealphadequebec.com. Il y a aussi une adresse plus courte qui arrive au même endroit qui s'appelle energiealpha.com. Et aussi, on a une page Facebook du Centre Énergie Alpha de Québec. On peut poser des questions, effectivement. Vous êtes généreux, vous répondez beaucoup. Hier, j'ai vu votre live justement sur la formation. La formation, j'ai attrapé. Oui, nos ateliers. Vous preniez le temps de répondre à chaque personne. Là, on a un atelier deux ateliers. Dans les prochains mois, janvier, février, il va y avoir des ateliers sur la méditation, niveau 1, niveau 2, avec Marie-Ève Lecine. Ensuite, on va avoir des ateliers qui vont être donnés par moi et Julie Turcotte, ou Julie Turcotte et moi, et qui vont être sur la gestion du stress et de la santé. Patrice, c'est déjà terminé. Merci beaucoup d'avoir passé l'heure avec nous. Je vais mettre toutes les informations du Centre Énergie Alpha sur la page aussi, les différents.